Tell me now. Je suis le choix d'une force plus grande que moi. Tout cela me dépasse. Je m'épais, je m'efface. C'est la cavale, la cabale. Je n'ai pas le cœur à la cour des balles. Comme un mauvais sort.